histoire particulière. Les néo-ruraux ne sont pas ces babacools, ces doux rêveurs qui ne pensaient qu'à fumer de l'herbe et à courir tout nu. Le mouvement hippie portait en lui une véritable révolution politique. C'est toute la société qu'il voulait changer, de l'organisation du travail à celle de la famille et des rapports humains. Ils militaient pour une société plus juste, plus égalitaire, et iront même jusqu'à poser les bases de l'écologie. Cheveux longs, chemise à fleurs, nous partons en Ardèche, tués par des rêves chimériques, écrasés de certitudes, dans un monde glacé de solitude, chantons nos rêves d'espoir. Malgré le rejet des Ardéchois, des chevelus barbus, finalement, moi je trouve qu'on a été assez bien accueillis. Ardèche, le temps des communautés. Par François Test et Domitille Piron. Quand j'étais seul, je disais je suis le dernier survivant du pays. Il n'y en aura plus après moi. Puis c'est reparti. C'est reparti avec ces hippies. Aujourd'hui, l'utopie néo-rurale. Le but du jeu, c'est d'essayer, c'est le retour à la terre bien sûr, mais c'est d'essayer de vivre ensemble et d'arriver à avoir de quoi vivre. Est-ce qu'on peut parler d'une utopie communautaire? Absolument, oui, oui, tout à fait, avec tout ce que ça a de riche et de nécessaire. C'est en 72 ou en 73 alors, la première fois? 73. Pas que 73, on a donc acheté les maisons. Et on est revenu l'été, on a passé 3 mois d'été, et on est remonté à Paris tous pour travailler, pour avoir de l'argent pour venir s'installer ici. On s'est installé ici définitivement le 22 mars 1974. Date symbolique. On n'a pas fait exprès, mais ça, un côté un peu symbolique. Ça ressemblait à quoi? C'était, quand vous êtes arrivé? Y avait des ronces de partout. Des ronces, des genêts, on voyait à peine les maisons. Hein. Et dans la ruine qui était cette maison-là, il y avait des arbres qui poussaient au milieu. Les premiers temps, on a fait que ça, hein, défricher, déblayer. Et on découvrait tous les jours, on découvrait quelque chose. On découvrait un petit chemin, un escalier, un muret, une cave. Et puis on passait beaucoup de temps sur cette petite terrasse-là. C'est là qu'au soleil, à discuter, à refaire le monde. Et donc, il n'y avait pas de route pour venir là. Il n'y avait évidemment pas d'électricité. Donc, dans un premier temps, on a taillé nous-mêmes avec plein de copains une route pour arriver là, en face. Et c'est seulement en 92, je crois, qu'on a eu l'électricité. On a vécu 20 ans sans électricité et un peu plus de 20 ans sans route, quoi, pratiquement. On est au bout d'une vallée dans les Cévennes ardéchoises. Oui, on est au fond d'une petite vallée en cul-de-sac. Et c'est vrai qu'on est, on est à 600 mètres, on est au fond, au creux de la vallée, et loin de la civilisation. En Ardèche, à la fin des années 60, les châtaignes n'étaient plus ramassées. Les enfants du pays étaient partis travailler en ville, les hameaux tombaient en ruine et il restait quelques paysans au fond de certaines vallées. Puis, les hippies sont arrivés. Les marginaux se sont installés dans ce bout du monde pour y inventer de nouvelles manières de vivre et d'être ensemble. Ils sont arrivés par centaines. Ils ont fondé une vingtaine de communautés sous le regard hostile des Ardéchois quelque peu perturbés. Puis, le temps a eu raison de l'utopie communautaire. 40 ans après, certains néos sont restés, ils ont coupé leurs cheveux, fini de retaper leur maison et ramassé à nouveau les châtaignes. Pascal Waldschmidt, est-ce que vous pouvez nous raconter quand et comment vous êtes arrivé jusqu'ici, à Bols? C'est toute une histoire. C'était en 1973, donc quelques années après mai 68, qui a été un peu le déclencheur pour moi et toute une bande de copains de changer de vie. Hein. Et déjà, on était donc étudiants à Paris, on vivait déjà en communauté dans un grand appartement. Et puis, on avait décidé d'aller vivre à la campagne. Alors, rétrospectivement, je me dis un peu que c'est comme si en mai 68, on avait voulu changer le monde et que finalement, n'ayant pas réussi, eh ben, on s'était dit on va aller créer notre monde à nous dans un coin perdu. Pourquoi un projet de communauté en Ardèche spécifiquement ? Alors, c'était pas spécifiquement l'Ardèche. Hein. En fait, on savait que c'était à partir de l'Ardèche qu'il y avait des régions désertifiées où on pouvait trouver des maisons pas chères. Mais il y avait aussi plus loin les Cévennes du Gard, plus loin l'Ariège, etc. Et en fait, comme on était étudiants, on était partis aux vacances de Pâques et on s'est dit aux vacances de Pâques, on va en Ardèche. Et puis si on ne trouve pas, bah, au mois de juillet, on ira dans le Gard et au mois d'août, en Ariège. Et bon, puis comme on a trouvé tout de suite, bah, voilà, ça a été l'Ardèche. Au début, on est arrivé ici, on s'est dit on va faire notre petite vie à nous tous les sept, là. Mais en fait, a posteriori, on se dit que si on avait été vraiment tout seul dans ce cas, bah, je pense qu'on ne serait pas resté, quoi. Socialement, ça aurait été un peu pauvre, quoi. Et donc c'est le fait qu'il y en avait plein partout autour qui faisaient comme nous, qu'on a pu avoir une vie sociale un peu... Alors bon, en même temps, c'était très varié. Il y avait des filles de bourgeois, des filles d'ouvriers, il y avait de tout, quoi. Alors Violaine, on est ici à La Blacherette. Comment c'était la première fois que vous êtes arrivée ici ? Ben, c'était un village qui n'avait pas été habité depuis 18 ans. J'étais venue un peu découvrir l'Ardèche puisque je savais que j'allais y venir. Nous avons pris le chemin de grande randonnée qui allait à Tine. Au passage, j'ai vu ce village tout endormi avec juste le toit des maisons qui dépassait des ronces. Ça m'a paru absolument magnifique. En plus, c'était plein soleil, donc un village très bien placé, situé. Dès le départ, il y avait cette envie de vivre en communauté. Ah oui, je savais qu'avec deux autres couples, nous avions décidé de créer un village communautaire. En 68, tout à coup, c'était plus possible de vivre comme on vivait avant. C'était plus possible. En plus, moi, j'étais dans une famille bourgeoise riche et je supportais pas les relations qu'on était obligé d'avoir avec les autres de par le fait de mon origine familiale. Je trouvais ça complètement injuste et la justice a toujours été quelque chose qui m'a toujours été très cher à mon cœur. Donc, il fallait vivre autrement et l'idée de vivre en communauté me plaisait beaucoup. Et le plus grand souvenir que j'ai, c'est des veillées qui duraient jusqu'à des pas d'heure dans la nuit où nous refaisions le monde complètement. Toutes les nuits, c'était la réinvention de tout ce qu'il fallait changer, de tout ce qu'il fallait faire et c'était magnifique, vraiment. Qu'est-ce qu'il y avait à changer dans cette société alors qui vous déplaisait? Ah ben les rapports d'argent. Dans cette société, l'argent était dominant partout. Et nous, nous ne voulions pas de ça. Nous voulions des rapports égalitaires entre les gens où chacun apporte à l'autre ce qu'il a. Whenever I get to feel this way, I had to find new words to say. I think about the bad old days we used to know. Vous étiez motivé par une envie, mais donc il y avait une idéologie derrière, il y avait de la politique. Comment vous définiriez la communauté de Bols? C'était un peu les débuts de l'écologie, c'était les situationnistes, Baudrillard, tout ça. Voilà, c'était les débuts de l'écologie politique, quoi, on peut dire, finalement. Écolo-gauchiste à tendance anard, vous m'aviez dit la dernière fois. C'est ça peut-être ça un peu, oui. Vous étiez 8 dans la communauté. J'étais 7. 7 ouais, ouais. Comment ça s'organisait? Vous avez mis en place des règles de vie communes? Non, pas vraiment, justement. Il n'y avait pas vraiment de règles de vie. En fait, tous les soirs, on discutait, même tout le temps. Et puis voilà, c'est, on construisait comme ça un peu. Mais bon, le principe était qu'en principe, il n'y avait pas de chef, même si en fait, il y en avait deux qui avaient un peu plus d'influence, disons. Voilà. Et donc, il n'y avait pas vraiment de règles. On discutait de tout ensemble. Qu'est-ce qu'on allait faire le lendemain, comment s'organiser. Qui partait à l'extérieur pour aller gagner 3 sous, parce qu'évidemment, ici, on ne gagnait rien. Hein, donc, il fallait bien qu'il y en ait un ou deux qui partent travailler. C'était une époque où il y avait du travail. Il y avait le plein emploi, donc on n'avait pas de problème pour trouver du travail. Mais tout était à repenser. Tout était à débattre, oui. En 1973, ils ont entre 20 et 30 ans, voyagent d'une communauté à l'autre, et Monique, adolescente, vient de temps en temps à la Blacherette rendre visite à son père, Robert Fabre, qui a quitté sa femme et ses enfants pour vivre son utopie néo-rurale dans cette grande famille communautaire. Il y avait beau y avoir des discussions très très intéressantes, quand même, les schémas étaient encore un peu les mêmes. Et moi, je sais que quand j'y étais, je faisais souvent manger parce que tout le monde ne se jetait pas sur les casseroles. Et puis, les garçons n'étaient pas très, très respectueux dans le sens où, comme c'était la liberté totale, et ben, ils ne comprenaient pas qu'on leur dise non. Pourquoi tu dis oui à machin et non à machin ? C'est pas égalitaire, c'est pas parce que lui est plus beau que moi. Enfin, il y avait des discours comme ça qui allaient loin quand même. Bon, ça va que je leur disais non, mais tu te fous de moi, ça va pas. Mais bon. Pour une jeune fille, cette question de la liberté sexuelle, ça a peut-être été un peu problématique, un peu gênant. Non, c'était génial. Quand, moi, j'avais. En 68, en juin 68, j'ai eu 12 ans. Donc moi, j'ai grandi dans cette idée-là. Ça m'a un peu choqué quand j'ai trouvé que les hommes ici, ils avaient une façon de prendre les choses un petit peu carrées. C'est pas parce qu'il y a mai 68 que tout d'un coup, les mecs qui sont plus machos, hein, bien sûr. C'était quand même pas tout d'un coup que tout le monde est un homme nouveau et a des réactions correctes et tout. Il y a des gens qui foutaient rien du tout. Il y avait des gens très dépressifs. Il y avait des gens qui se cachaient parce qu'il y avait des insoumis, des déserteurs. Et puis c'est comme dans n'importe quelle strate de la société. Il y avait des feignants, il y avait des bosseurs, il y avait des gens qui avaient des sales caractères, il y avait des gens autoritaires, il y avait des gens jaloux. Quelques illuminés aussi, vous disiez ? Illuminés, bah pas, oui, un peu, mais pas tant qu'ailleurs, je crois. Parce qu'ici, c'était vécu comme une communauté un peu assez politique. Et puis quand même, ça avait été la révolution, donc l'idée, c'était de se battre sur tous les fronts. Et puis, moi, après, quand je suis arrivée ici aussi, quand il y avait le Larzac, on allait au Larzac. Quand il y avait l'IP, on allait à l'IP. Mais tant que la communauté était là, c'était aussi un espace de liberté. C'est-à-dire, il y avait des conversations complètement surréalistes sur les lapins, sur les chiens, sur les pierres. Enfin, c'est vrai qu'il devait y avoir un petit peu de défense aussi, donc ça partait dans tous les sens. Ouais. Je sais que je me rappelle d'un mec qui avait passé une nuit dans un arbre, parce que je ne sais plus pour quelle raison, mais on l'a cherché partout, mais c'était normal. Il a passé sa nuit dans son arbre, il avait un délire. Hein. La seule chose qui nous paraissait possible pour gagner un peu d'argent, c'était de faire des fromages de chèvre, donc d'avoir des chèvres, ça et l'élevage de lapins. Donc voilà comment nous avons démarré économiquement. Et pourtant, vous n'y connaissiez rien. Pas du tout, mais on était tous intellectuels, donc on savait lire les livres, donc on a beaucoup lu. Il n'y avait pas encore Internet, s'il y avait eu Internet, ça aurait été fantastique. Mais non, avec les livres, on s'est bien débrouillé et on a fini par tout apprendre. Le projet, c'était de reconstruire les ruines, de construire petit à petit une exploitation agricole. Donc on a commencé par acheter une dizaine de brebis et puis deux cochons, etc., etc. Enfin, il y avait un copain qui passait ses vacances à la campagne, donc il en savait un peu plus. Mais moi, j'avais passé toutes mes vacances au bord de la mer, j'avais vu des brebis ou des chèvres que de l'autoroute. Et je ne savais pas la différence. Je ne savais pas reconnaître un châtaignier d'un noyer. Enfin bon, c'était. Puis on a fait des conneries au début, parce qu'évidemment, qu'on ne savait pas faire. Et bon, on a eu beaucoup de conseils des vieux, on dit vieux maintenant, mais finalement, quand on est arrivé, ils n'étaient pas si vieux que ça. Mais ils nous paraissaient vieux. Vous allez me poser des questions, mais moi, je ne pourrais pas vous répondre. Je me rappelle de rien. J'ai tout oublié maintenant. Oh, je ne suis pas sûre de ça. Oh, si, je ne suis pas sûre. Oh, si. Est-ce que vous pouvez nous dire où et quand vous êtes né, Noé? Ah, je suis né ici. Oui. En 1926. Je marche sur le 93. Oui. Est-ce que vous vous rappelez des années 70? Quand ceux qu'on a appelés les néos sont arrivés. Oui. On ne savait pas trop qui c'était. Oui. Parce qu'il en est passé beaucoup. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais beaucoup sont passés et sont repartis. On ne pensait pas que ça marcherait. On disait, ils viennent eux faire le paysan. Ça sera des paysans manqués. Ils sont venus vous demander des conseils, peut-être, pour faire du jardin, pour s'occuper des bêtes? Oui, un peu, mais pas beaucoup quand même. De la Blacherette, là, il y a le Violaine ou le Robert Fabre. Ils venaient bien de temps en temps chez moi. Là, pour... Une fois, j'étais en train de greffer des châtaigniers là-bas en face. Et puis... Ils m'ont demandé s'ils pouvaient me regarder, s'ils pouvaient voir comment je greffais. J'ai dit oui, mais c'est des châtaigniers que maintenant, c'est des bouches rouges. Ils sont grands, ils ont 40 ans. Oui, ils sont comme ça. Les gens du pays se méfiaient un peu de ces gens. Ça a étonné les gens du coin quand même de voir que... qui débarquaient de la ville, qui c'était des ingénieurs ou n'importe quoi. Ils connaissaient rien à la terre. Vous êtes la fille de Robert Fabre, qui a fondé la communauté de la Blacherette, ici, dans les Cévennes ardéchoises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être justement, sur le marché des Vences, ce décalage qu'il y avait entre la population des Néos et les Ardéchois? Il y avait une bande de luberlus, toutes les couleurs et poilus, qui étaient tous jeunes, et à côté de ça, il y avait des personnes âgées qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Je pense qu'ils racontaient beaucoup de choses, les autochtones, on pourrait dire. Il y en a plein qui étaient bienveillants, hein, parce qu'on était des jeunes, et les jeunes, a priori, il n'y a pas de raison de leur taper dessus. Mais ils étaient sûrement choqués par notre mode de vie, notre façon de s'habiller. C'était quand même la liberté sexuelle. On pouvait voir quelqu'un qui était avec quelqu'un, puis la semaine d'après avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ils fantasmaient complètement là-dessus. Une fois, on nous a raconté qu'ils disaient qu'à la Blacherette, on avait un grand lit circulaire et qu'on était tous dedans. Mais c'est normal qu'ils fantasmaient là-dessus, parce que quand même, ils avaient passé des années, pour le coup, isolés. Voilà. J'en ai pas rencontré qu'ils soient pas gentils. Hein. Ils vivaient tous ensemble, ils se promenaient nus dans les rivières tout le temps. Toutes les rivières étaient pleines de filles nues, ou n'importe. Moi, j'aimais bien d'y aller faire un tour dans ces rivières à ce moment-là. Oui. Ils se réunissaient des fois, une vingtaine ou n'importe, ils étaient tous à poil dans le grenier et tous ils faisaient. Oui, mais c'était normal, c'était comme ça. Si vous allez à San Francisco, aujourd'hui, Pascal Waldschmidt, vous êtes le maire du village de Beaumont. Vous avez fait pas mal bouger la communauté de communes. Vous avez aussi créé l'un des premiers magasins de producteurs du coin, alors que c'était pas gagné au départ, parce que vous n'étiez pas du pays, et on vous l'a peut-être fait un peu ressentir, et certains néo-ruraux le disent, hein, ils ont été mal accueillis en Ardèche. Comment vous l'avez vécu, vous, cet accueil? Au début, ils nous ont accueillis un peu en rigolant, quoi, en disant, bon, voilà, ils vont passer l'été, et puis il sera fini, ils passeront pas l'hiver, comme ils disaient. Donc ça allait. Et puis après, au fur et à mesure, quand ils ont vu qu'on restait, qu'on prenait de la place, c'est là que ça a commencé à être un peu plus difficile. Bon, d'abord parce que ils étaient habitués à être tout seuls dans leur coin et qu'on venait prendre de la place. Et puis il y a aussi, je pense que pour beaucoup de gens du pays, ils avaient dit à leurs enfants, il faut partir, le pays est foutu, etc. Et de nous voir, nous arriver ici, s'installer, etc., ça leur posait un problème, quoi. Hein. Il y avait une espèce de... Dans les années 70, il y avait quand même un fossé entre vous et eux, que ce soit au niveau des valeurs, mais aussi même de l'habillement, oui, de tout, quoi. Bien sûr, c'est sûr que quand on est arrivé en 73 au Charnier, eux vivaient, mais parce que pour nous, c'était le Moyen-Âge, quoi. Où ça a été très différent suivant les communes, suivant les villages, c'est le fait qu'il reste ou pas des jeunes du pays. Et nous, sur Beaumont, ça a été un peu la chance, c'est que, en fait, sur Beaumont, il restait encore des jeunes du pays, qui avaient donc à peu près notre âge. Et du coup, c'est dans ces situations-là qu'il s'est fait des belles choses, parce que nous, on avait de l'imagination, on n'était pas coincés par les traditions, les habitudes et tout, puisque nous, c'était la page blanche, hein. Et puis nous, on savait aussi, par exemple, après, pour monter des dossiers de subventions, etc., on connaissait le langage des technocrates qui étaient sur les mêmes bancs d'université que nous. Mais en même temps, on était complètement irréalistes, on ne connaissait pas les conditions, les matériels et tout ça, de ce qu'on voulait faire. Et en fait, les jeunes du pays, eux, ils savaient tout ça. Donc il y avait une complémentarité entre eux et nous, qui a été très riche. Et c'est comme ça qu'on a fait, par exemple, cet atelier de transformation de produits fermiers, là, la Cuba des cochons bourrus, qu'on a créé ensemble. Et à l'inverse, on voit des communes, comme la commune voisine de Saint-Mélanie, où il n'y avait plus aucun jeune du pays. Là, ça n'a jamais pris, quoi. Il y avait toujours d'un côté les vieux, d'un côté les néo-ruraux. Il y a eu beaucoup moins de dynamique, quoi. Robert Fabre, l'un des fondateurs de la communauté de la Blacherette, dans le film d'Yves Billon, avec nos sabots, en 1980. J'ai vécu en communauté. Les moments les plus purs et les plus exaltants de ma vie, ça c'est absolument certain. Des choses qui ressemblent absolument pas à ce que je vivais avant, ni peut-être à ce que je revivrai, je sais pas. Et je voudrais dire que je crois toujours à la forme communautaire comme système de société, que je pense qu'on n'a pas été capable, enfin moi comme les autres, de transformer notre psychologie et nos rapports au point d'arriver à vivre autrement que en s'aimant beaucoup et en faisant des concessions comme on peut le faire à deux ou à trois. Mais je suis certain que sur le plan économique, que sur le plan social, que sur le plan affectif, c'est infiniment plus malin de se retrouver à plusieurs, pour se remettre assez souvent en cause, pour vivre des choses différentes, pour échanger des façons plus imaginatives, plus poétiques, plus nouvelles, enfin pour avoir une vie beaucoup plus pleine, beaucoup plus intéressante, mais que pour ça, il aurait fallu, et c'est là je crois qu'on a foiré, avoir eu une autre histoire où qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus fort que l'explosion culturelle de 68. Voilà. En fait, une communauté comme ça, par définition, n'a pas d'avenir, parce qu'en fait, elle est basée sur le principe que chacun doit pouvoir exprimer tous ses désirs, les réaliser, etc., et qu'il ne doit pas y avoir de règles, et finalement... c'est l'antinomie de la vie en société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en société, on ne peut pas vivre à plusieurs s'il n'y a pas un minimum de règles. Et donc, du coup, un minimum de hiérarchie aussi qui va avec les règles, hein, puisque s'il y a des règles, il faut les faire respecter. S'il y en a, bon, donc, il y en a qui sont chargés d'eux, etc. Et en fait, voilà, et on avait trouvé dans un article, dans une revue qui s'appelait Recherche, un article qui exprimait vraiment ça de façon lumineuse. Il parlait de des forces centrifuges du désir. C'est-à-dire qu'effectivement, le principe même de cette communauté faisait que ça ne pouvait qu'éclater un jour, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'une utopie communautaire ? Absolument, oui, oui, tout à fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est l'utopie, et avec tout ce que ça a de riche et de nécessaire. Qu'est-ce qui reste en 2018 de cette expérience des années 70 de la communauté de la Blacherette ? C'est compliqué parce que finalement, Violaine et moi, on est les deux seuls à rester d'une période assez lointaine. Et c'est vrai que toutes les deux, on aurait souhaité que ce village reste un peu plus communautaire, ce qui est impossible parce qu'en fait, on a essayé de continuer à faire des réunions de village. Mais le collectif, ça n'intéresse pas. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont intéressés, mais pas assez. Parce que des maisons se sont vendues. À partir du moment où on vend des maisons, ben les gens qui arrivent, ils s'en foutent, ils sont là. Et puis, oui, je suis là, je suis chez moi, je mets une petite barrière. Ici, c'est à moi. Et puis, t'es mon voisin. Si j'ai pas envie de te voir, je te vois pas. Parce qu'au départ, on se cooptait. Bon, à partir du moment où ça a commencé à se vendre, eh ben, c'était fini, quoi. On peut rien demander. On n'a pas exigé des nouveaux venus qu'ils aient la même façon de voir les choses que nous. Et puis c'est des gens qui viennent d'une autre génération, et puis ou pas, mais qui n'étaient pas dans cette mouvance-là. Donc ils voient pas le. Au début, quand ils arrivent tous et qu'on leur parle de ça les émerveille, ils trouvent ça génial. Mais en fait, c'est pas dans leur gène, ni dans leur projet, ni dans leurs envies, quoi. Donc quand j'étais seul, je disais je suis le dernier survivant du pays. Il n'y en aura plus après moi. puis c'est reparti. C'est reparti avec ces hippies. Heureusement, alors, finalement, qu'ils sont venus. Heureusement, oui. Bon, oui, maintenant, le pays est bien peuplé. Hein. Bon, oui. Avec le recul, aujourd'hui, Violaine, qu'est-ce qui reste en tout cas de cet état d'esprit aujourd'hui pour vous ? Moi, je crois que ce qui reste le plus, c'est l'ouverture d'esprit. Les gens ne sont plus renfermés comme ils étaient sur leur petit monde. Les rapports humains ont quand même énormément changé. Voir la façon dont l'Évance accueille les émigrés maintenant, c'est une suite de 68, ça. Et c'est magique, c'est magnifique, moi, je trouve. C'était l'Utopie néo-rurale avec Violaine Noël, Monique Fabre, Pascal Waldschmidt et Noé Chat. Coordination Christine Bernard. Un documentaire de François Test et Domitille Piron. C'est la fin de ce premier épisode. Demain, nous retournons au cœur de la première communauté créée dans le nord de l'Ardèche en 1967 et l'affaire Pierre Conti.